Bonjour, je suis Laurent Glenzer de Lemon Operations et nous allons parler aujourd'hui de Business as a Service. Mais avant de définir ce qu'est Business as a Service, nous allons parler aussi de cloud computing, car cloud computing est probablement l'une des révolutions les plus importantes de l'informatique, et je dirais qu'au cours des 20 dernières années, l'informatique a connu probablement trois grosses révolutions. La première dans les années 80 avec l'apparition de la micro-informatique qui a mis à disposition de chacun de capacités permettant de gérer des applications directement sur le bureau. La deuxième révolution ayant été naturellement Internet. Et la troisième est le cloud computing qui est une nouvelle façon d'utiliser l'informatique, une nouvelle façon d'utiliser ses ressources et qui est un changement considérable dans l'écosystème de l'informatique. Cette présentation s'adresse à plusieurs types d'interlocuteurs. Le premier, ce sont tous les gens qui ont un rôle de business au sein de l'industrie informatique, qu'ils travaillent pour des sociétés qui font ce qu'on appelle du software as a solution, ou bien des sociétés qui font du infrastructure as a solution, c'est-à-dire en gros qu'on peut qualifier aujourd'hui l'industrie informatique en deux catégories. La première catégorie étant ceux qui sont déjà sur des offres de software ou de hardware as a service. Et puis la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'y sont pas encore, mais qui pensent très sérieusement à le devenir, c'est-à-dire finalement toute l'industrie informatique qui va s'intéresser de près ou de loin à ce qui va se passer autour de ce qu'on appelle donc le cloud computing. La question qu'on pose aujourd'hui est la suivante, c'est est-ce que les règles qui s'appliquent au business traditionnel de l'informatique s'appliquent aussi au cloud computing? Et c'est une question importante parce qu'effectivement, elle a des implications très sérieuses, notamment sur le développement des canaux de distribution. Et c'est surtout autour de ça que nous allons nous concentrer dans notre présentation. Pour le bien de cette présentation, nous allons utiliser ici l'exemple d'une société bidon qui n'existe pas donc et qui s'appelle IT Vendor. Mais cette société peut représenter n'importe quel fournisseur de logiciels, de matériel, de solutions télécom, voire de services qui est impliqué dans le développement d'une solution de type software as a service ou bien infrastructure as a service et qui veut le faire au travers notamment d'un canal indirect. Juste rapidement présenter Lemon Operations, la société pour laquelle je travaille. Lemon Operations est une société qui recrute et développe des distributeurs pour l'industrie informatique et l'ensemble des personnes qui dirigent la société et qui donc dirigent l'ensemble des clients cumulent deux siècles d'expérience en matière de gestion de canaux de distribution dans l'industrie informatique, que ce soit en matériel, en logiciel, en service ou en télécom. Nous ne sommes pas une entreprise de consulting classique. Nous ne nous contentons pas de dire ce qui marche et qui ne marche pas. Nous avons un rôle d'exécution sur les choses que nous recommandons, sur les business que nous mettons en place. Et pour illustrer cette implication dans le business, nous adorons être payés sur la base du résultat des actions que nous réalisons. Et je crois que c'est un élément très important, surtout en cette période de crise où tout ce qui doit être dépensé à l'extérieur doit naturellement être justifié par un retour sur investissement positif. Si vous voulez en connaître plus sur Lemon Operations, je vous engage naturellement à aller sur notre site web www.lemonoperations.com où vous aurez beaucoup plus de renseignements et aussi un certain nombre de contenus qui est de nature à vous intéresser. Maintenant, revenons à notre sujet et parlons de Business as a Service. Donc sur la gauche de votre écran, vous voyez ce cloud computing qui est ici et qui fait appel à un certain nombre de notions qu'on a appelées software as a service pour la partie applicative, c'est-à-dire des applications qui sont non pas vendues comme une boîte, comme une licence perpétuelle, mais des applications qui sont en quelque sorte louées ou qui sont mises à la disposition de clients pour une mensualité en fonction de leur utilisation et ces applications étant disponibles sur Internet et sur le web. Du côté droit, le pendant de ces applications, c'est bien d'avoir des applications. Maintenant, l'infrastructure est aussi nécessaire. Il faut à la fois des clients, des postes clients, des PC ou même des serveurs, des produits de stockage, des imprimantes. Et tout ça, naturellement, compose une infrastructure. Et il peut y avoir une infrastructure de type virtuel, c'est-à-dire quand on parle notamment de virtualisation de serveurs ou bien de virtualisation de stockage. Mais il peut y avoir aussi, pour accompagner ces applications logicielles, il peut y avoir ce qu'on peut rappeler des modèles de paiement à l'usage pour le matériel, donc qui puissent bien accompagner de telle sorte que on le voit aujourd'hui fleurir des offres proposées par un certain nombre de constructeurs ou bien d'entreprises de télécom qui proposent une solution complète intégrant le matériel et le logiciel pour une mensualité par mois qui permet donc à l'entreprise qui fait ce choix donc de pouvoir ajuster sa structure en fonction de son business et d'avoir un mode relativement flexible. Là, ce sont les deux éléments qui composent l'essentiel de la technologie et de l'infrastructure qui est mise à disposition dans le cadre de cloud computing. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que nous pensons que le cloud computing est beaucoup plus que des évolutions technologiques, mais une vraie révolution, dans le sens qu'il implique de nouvelles façons d'acheter de la part des clients. Et parce que cela implique, parce qu'il y a des nouvelles façons d'acheter, aussi des nouvelles façons de vendre pour les revendeurs. Et c'est cela que nous allons regarder maintenant. Pourquoi ce sont des nouvelles façons d'acheter ? On pourrait dire d'abord parce que ce qu'on pourrait appeler l'IT as a service est particulièrement rompt les habitudes de nos clients de façon importante. La première chose, c'est que les données sont hébergées différemment, les applications sont hébergées différemment, ce ne sont pas les mêmes applications, ce qui veut dire que l'usage de ces applications sera différent. Ce n'est pas le même mode de financement, ni le même mode d'achat. Donc les règles de comptabilité, par exemple, sont différentes. C'est une nouvelle infrastructure, c'est une nouvelle architecture informatique. Et au final, avec tous ces éléments-là, c'est naturellement presque une nouvelle organisation qui est mise en place donc dans l'entreprise. Ajoutez à cela le fait que, comme tout cela est géré de l'extérieur, y compris notamment l'hébergement des données, cela amène un niveau de dépendance du client vis-à-vis de son fournisseur qui est encore plus élevé que ce qu'il a été jusqu'à présent, qui est aussi naturellement la rémunération du service fourni par ses fournisseurs. Mais nous voyons bien ici qu'il n'est pas neutre pour un client de prendre une décision d'aller sur ce qu'on pourrait donc appeler maintenant l'IT as a service ou bien le cloud computing compte tenu de l'ensemble de ses applications. Et comme ce n'est pas une décision neutre, naturellement le cycle d'achat est particulièrement long dans beaucoup de cas, et plus l'entreprise est grande, plus naturellement ce cycle d'achat est long. Et de ce changement en amène un autre qui est aussi vu de la distribution de ces produits. Car si on prend ici l'exemple du canal de distribution traditionnel de logiciels ou de matériel, ce sont des sociétés qui aiment deux choses. Ils aiment d'avoir des cycles de vente qui soient très rapides, et de l'autre côté, ils aiment bien que les revenus à court terme soient élevés. C'est essentiellement là-dessus que sont faites les marges qui ne sont pas très importantes au sein de ces sociétés. Et il est vrai que beaucoup de fournisseurs arrivent avec des solutions de type software as a service qui comprennent des marges importantes, et il n'en reste pas moins que le processus de vente est très long, et que les revenus à court terme, dans ce cas-là, est relativement faible, puisqu'il s'agit d'une mensualité, et donc par définition, les premières mensualités ne sont pas très importantes, et c'est tout au long de la durée du contrat que l'entreprise peut retourner, peut retrouver ses fruits, mais à court terme, elle n'aura que, on va dire, un 20e ou un 30e, voire moins, des revenus qu'elle aurait fait normalement dans une solution de type traditionnel. Alors, un certain nombre de fournisseurs ont essayé de compenser cela en présentant des offres où la compensation du revendeur intègre un certain nombre de mois d'avance. Mais là aussi, cela pose un autre problème qui est celui de trouver le cash nécessaire pour financer ce développement. Et d'ailleurs, on le voit très bien pour les sociétés qui sont des revendeurs entre guillemets traditionnels qui se lancent aujourd'hui dans la partie software as a service. La plupart du temps, ils créent une entité un peu séparée avec des objectifs qui sont relativement modérés parce qu'ils ne veulent pas distraire leur cœur de business pour développer cette partie-là et qu'ils préfèrent au contraire utiliser cette petite entité pour aller chercher à la fois des nouveaux business, mais qui ne fera pas forcément de cannibalisation de leur business traditionnel. Donc, on voit bien que la distribution informatique telle qu'elle a été pensée dans les années 80, au moment où on a finalement créé la micro-informatique, et on a créé aussi de la même façon un réseau de distribution qui n'existait pas, pour la simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de micro-informatique. Et donc, du coup, on était dans une situation où il a fallu imaginer ce que devrait être le réseau de distribution. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, ce que l'on a créé dans les années 80 n'est pas très éloigné de ce qui existe encore aujourd'hui. Et je crois qu'il est maintenant temps de repenser à la distribution informatique. Parce que justement, le cloud computing fait appel à des notions fondamentalement différentes et que de la même façon que nous étions assis dans les années 80 pour réfléchir à la façon de développer la distribution, eh bien, je crois qu'il faut probablement s'asseoir de nouveau pour repenser que doit être la distribution informatique avec le cloud computing. Et naturellement, nous avons eu quelques idées au sein de Lemon Operations, quelques idées qui peuvent s'adapter, pas forcément à votre société, mais qui peuvent, en tout cas, qui valent la peine d'être imaginées. Il y a d'autres idées, nous n'en donnons ici qu'un seul exemple. Mettons-nous à la place d'un client qui recherche une solution et que son choix s'arrête sur une solution de type software as a service ou bien cloud computing. Eh bien, s'il a déjà une idée de la solution, il aura tendance à aller sur son canal traditionnel, ça veut dire son revendeur, ici présenté comme un point d'achat, donc il va interroger son revendeur pour lui dire est-ce que vous avez cette solution? Et si oui, le revendeur va lui fournir cette solution, même si derrière, celui qui délivre la solution n'est pas forcément leur vendeur, mais vis-à-vis du client, c'est un phénomène relativement transparent. Et à la fin, cela servira le business du vendeur IT, donc de IT vendor ici, qui va donc pouvoir fournir la solution à travers de ce canal de distribution. Maintenant, on l'entend bien ici que cette solution, le client l'avait déjà, il avait déjà pensé, donc ça veut dire qu'il en avait déjà le besoin, il avait su exprimer ce besoin sous la forme d'un produit pour lequel il est devenu interroger son channel. Maintenant, on peut s'interroger en se disant, finalement, il peut y avoir un groupe de personnes qui peut être impliqué dans la commercialisation d'une solution de ce type et qui n'est pas aujourd'hui considéré comme étant un revendeur informatique. Et je vais prendre comme exemple ce qui est arrivé à Lehman Operations, comme c'est arrivé à beaucoup d'entreprises qui se sont créées relativement récemment, c'est-à-dire que au moment où nous avons créé notre site internet, notre agence de communication, donc qui créait ce site, nous a aussi proposé donc tout le service de messagerie et d'hébergement de données, de partage de données, etc., qui allait avec. Et donc nous avons finalement trouvé maintenant, nous avons utilisé cette solution que nous a proposée cette agence. Et après un certain temps, nous nous sommes dit c'est quand même curieux. Pardon, parce que nous avons acheté une solution informatique à une société qui n'est pas un revendeur informatique, mais qui est une société, qui est une agence de communication et qui elle-même probablement disposait d'une offre proposée par une société d'informatique que nous ne connaissons pas, puisque nous nous référons simplement à notre agence de communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette agence de communication nous a proposé ce service avant même que nous n'avions exprimé le besoin. Elle a anticipé ce besoin parce qu'elle connaissait notre business, parce qu'elle savait naturellement qu'on en aurait besoin, et assez naturellement, elle nous a proposé un package grâce auquel elle garde une conversation ouverte vis-à-vis de nous. Donc ce que l'on comprend bien ici, c'est que l'agence de communication nous a fait cette offre avant même que nous avions exprimé les besoins. Et c'est là qu'il peut y avoir une source intéressante à considérer, qui est de dire qu'il existe une masse énorme de gens, de sociétés, qui sont capables de donner des recommandations à leurs clients avant même que leurs besoins ne soient vraiment exprimés. Et on le voit dans tous les domaines. Que ce soit dans la communication, bien sûr, mais c'est aussi valable pour toutes les opérations de type comptable, avec le rôle considérable des experts comptables, en matière de loi, en matière de gestion des ressources humaines, en matière de marketing, etc. Il existe pour chacun de ces domaines des conseils qui sont capables de donner une recommandation à un client qui l'amènera probablement à choisir une solution, et on voit bien que la solution a été amenée, enfin que le produit ou le besoin a presque été amené par la société qui donnait le conseil. Et cela devient intéressant car si l'on regarde aujourd'hui en termes de statistiques sur le marché européen, le nombre de sociétés qui font de la revente de matériel informatique, qu'il s'agisse de revendeurs ou d'intégrateurs, de fournisseurs, de télécoms, etc., quel que soit le marché, et simplement sur l'ensemble de l'Europe, ça veut dire en intégrant le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays de l'Est, nous arrivons au total de 120 000 compagnies, d'après CompuBase, qui est la société leader dans la gestion de ces données en Europe. Donc 120 000 sociétés qui ont été référencées par CompuBase, alors que si on regarde le domaine de ce qu'on pourrait appeler les consultants ou ceux qui donnent des recommandations à leurs clients, qui amènent un certain nombre de services en termes de business, sur l'Europe de l'Ouest simplement, c'est-à-dire sur un territoire qui est même plus réduit, il y a déjà référencé 1,8 million de sociétés. Alors, bien sûr, toutes ces sociétés ne seront pas forcément intéressées à ce qu'est Software as a Service. Mais quand bien même il n'y en aurait que la moitié, cela représente une manne considérable de sociétés qui pourraient être impliquées dans la commercialisation de ces produits. Alors, naturellement, il faut repenser cela, parce que cela ne suffit pas que tous ceux qui ont déjà été impliqués dans la gestion d'un réseau de distribution savent que quand on recrute un revendeur, il faut qu'il y ait un travail contractuel, contractuel qui soit fait soit directement avec la société de revente, soit par l'intermédiaire d'un grossiste, mais il y a un travail contractuel, parfois de certification, qui est assez lourd. Alors imaginez que l'on puisse impliquer, on va dire, ne serait-ce que 900 000 consultants pour devenir référencés, pour proposer la solution, est un travail naturellement considérable. Mais c'est là aussi qu'il faut penser différemment. Parce que, et c'est ce que nous avons fait ici chez Lehman Operations, où nous avons réfléchi sur une autre façon d'aborder le problème. Et nous nous sommes dit finalement, par exemple, sur l'aspect contractuel, avons-nous vraiment besoin d'un contrat? Avons-nous besoin que toutes ces sociétés-là soient régies sous la forme d'un contrat pour pouvoir distribuer les produits? Et finalement, on s'est dit, peut-être que non. Il suffit de proposer une autre façon pour ces sociétés d'être impliquées dans la commercialisation des produits, d'être rémunérées sur la commercialisation des produits par rapport à une valeur ajoutée qui les amène au moment de la commercialisation de ce produit. Ainsi, nous avons imaginé trois rôles différents qui peuvent être pris par ces revendeurs non contractuels. Le premier rôle, c'est celui d'une société qui veut éventuellement faire, qui est un consultant par exemple, ou un expert comptable, qui peut faire un certain nombre de recommandations à son client, par exemple lui recommander une solution bureautique, qui soit gérée sous la forme de software as a service, mais néanmoins, ça l'intéresse effectivement d'être rémunéré sur la base de cette recommandation, mais il ne veut pas ensuite s'occuper de tout ce qui est la gestion, il veut pas être le point de contact avec son client sur toutes ces questions-là, et préfère le passer directement au fournisseur. Alors, on pourrait imaginer qu'il devienne le referral, donc c'est-à-dire qu'il reçoive un pourcentage de la vente réalisée et que, rappelons-nous, c'est un pourcentage récurrent, donc qui intervient sur la durée du contrat, et donc du coup ce pourcentage qui ici est indiqué à la hauteur de 10%, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais c'est simplement pour donner une indication qu'on va rémunérer donc la personne en fonction du rôle qu'il a rempli en indiquant ce client. C'est un peu le principe du parrainage tel qu'il existe aujourd'hui, si ce n'est qu'il est un petit peu plus industrialisé et qu'il ne s'agit pas d'un paiement qui a lieu une fois, mais qui a lieu sur la durée du contrat. Le deuxième rôle, deuxième cas, c'est celui d'une société qui, un peu comme notre agence de communication, que cela intéresse de non seulement de faire la recommandation d'une solution, mais qui souhaite aller plus loin, c'est-à-dire qui souhaite rester notre interface. Et donc, pendant la durée du contrat, si effectivement on a une question, eh ben c'est par cette agence-là que l'on va, travailler. Mais cela permet à l'agence ou à la société, au cabinet de consultants, etc., de garder, entre guillemets, une ligne ouverte avec moi qui suis le client. Et donc, du coup, d'être rémunéré aussi sur une base plus importante, puisqu'il rend un service supplémentaire, notamment l'aspect facturation. Et puis le troisième élément, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler le facilitateur, c'est-à-dire celui qui veut non seulement aller sur la recommandation de la solution, non seulement veut faire l'interface et la facturation, mais veut être aussi à même d'amener un certain nombre de services en plus, de formation, d'aide à la transition, d'accompagnement. Et naturellement, il aura une rémunération qui sera supérieure. Donc voilà, nous avons créé ici, imaginez trois statuts. Le premier referral, le deuxième interface, le troisième facilitator, qui pourrait donc satisfaire des sociétés qui, quoi qu'il en soit, ne seront pas impliquées dans l'aspect, dans la délivrance de la solution, qui celle-ci sera faite directement par IT vendor, comme on le voit ici, ou bien même IT vendor pourrait sous-traiter la délivrance de la solution à son réseau traditionnel. Donc c'est quelque chose qui se complète. Alors ici, on a même imaginé la création du site web donc pour ce IT vendor, et vous voyez qu'il y a une section sur la page qui s'appelle Promote, et donc si je suis consultant, et il me suffit d'aller sur cette section-là. Et si j'ai un client, eh bien, je peux simplement rentrer les coordonnées de mon client, indiquer le statut qui est le mien, donc Referral Interface, etc. Rentrer mon numéro de société ou mon numéro de TVA pour montrer que je suis un professionnel. Et ensuite, donc, passer le lien à la société IT Vendor qui va ensuite prendre le relais et commercialiser la solution directement au client. Cela ne veut pas dire cette solution. Ne signifie pas qu'elle doit être la solution de distribution unique du cloud computing, naturellement. Et nous imaginons plus le cloud computing comme faisant appel à une structure de distribution qu'on pourra appeler une structure de distribution hybride, faite avec le fournisseur en direct, ici IT vendor, le réseau traditionnel et en plus le réseau qu'on pourra appeler donc non contractuel de referral, d'interface et de facilitator. Et donc du coup, avec cette structure-là, si on se met à la place du client, le client donc a trois choix. Le premier choix, c'est de s'adresser directement à IT vendor si c'est particulièrement qu'il a besoin d'une solution. Par exemple, j'ai entendu parler de la solution Lotus Live d'IBM. Je suis intéressé par cette solution. Pourquoi prendre un intermédiaire? Je veux directement travailler avec IBM. Ou prendre la solution sur le site internet d'IBM sans passer par un intermédiaire. Le deuxième cas, c'est celui d'une société ou d'un client qui n'a pas forcément une vision extrêmement claire de son besoin. Il sait qu'il a besoin d'avoir une solution en software as a service, plutôt une solution de bureautique. Il a vu qu'il en existe plusieurs. Il va peut-être s'adresser à sa société d'informatique pour pouvoir choisir la bonne solution. Et puis le troisième cas, eh bien, c'est celui du client qui ne sait pas s'il a vraiment un besoin. Et c'est là ici que le rôle du canal vertical, comme on l'a appelé vertical parce qu'il est souvent organisé par segment, par secteur d'activité, par segment de métier aussi. Et donc ce canal vertical peut intervenir même en amont et être capable de recommander à son client une solution qui correspond bien à son métier avant même que celui-ci en effet, on est exprimé le besoin. Et cet équilibre nous permet d'en construire un autre qui est absolument fondamental, d'après nous, qui est une des lois que nous avons dans la mise en place d'un réseau de distribution. C'est l'équilibre entre ce qu'on pourrait appeler les Anglais appellent le « demand fulfillment », c'est-à-dire le fait de pouvoir remplir un besoin ou de répondre à un besoin, et l'autre côté, celui qu'on pourrait appeler « demand generation », c'est-à-dire celui de créer un besoin. C'est-à-dire que dans un cas, il va y avoir des revendeurs qui sont là pour répondre à un besoin exprimé par son client, et une fois que le besoin est exprimé, ils vont pouvoir le satisfaire. Dans l'autre cas, il va y avoir des revendeurs qui ne vont pas simplement se contenter d'attendre le client, mais qui vont essayer de créer les besoins, qui vont essayer de faire le marketing nécessaire pour pouvoir créer le besoin sur le marché. Et il est important qu'il y ait un équilibre entre ces deux notions. La première notion répondant plus à un objectif de couverture, c'est-à-dire de faire en sorte que quand mon client a besoin d'un produit, il puisse le trouver où qu'il soit. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose étant la nécessité de créer un business. Le business ne se créera pas tout seul et que les distributeurs peuvent avoir un rôle. Donc, si on prend les différents canaux de distribution, le fait naturellement de pouvoir vendre en direct est à la fois une possibilité de répondre aux besoins du client et en même temps de le créer. En revanche, il est limitant. On le voit d'ailleurs, puisque l'ensemble des sociétés informatiques aujourd'hui veulent développer leur réseau indirect de façon à étendre leur couverture, à étendre la capacité à aller sur des nouveaux clients. Le deuxième cas, c'est celui de passer par les réseaux traditionnels, qui effectivement est une bonne solution pour assurer la couverture de ces produits. En revanche, on l'a vu ici, les réseaux traditionnels d'informatique ne sont pas forcément très motivés aujourd'hui à la commercialisation de solutions de type cloud computing. Le troisième niveau, c'est celui des intégrateurs, qui lui apporte une approche plus équilibrée entre la réponse aux besoins et la création du besoin. Mais d'un autre côté, les intégrateurs sont, on va dire, mollement motivés sur l'ensemble du cloud computing, parce que naturellement, l'essentiel de leur valeur ajoutée se situe dans les services, dans l'intégration de la solution, et qu'en grande partie, ces services et cette intégration sont réalisés par le fournisseur lui-même. Et enfin, la dernière partie, eh bien, c'est ce que nous avons évoqué ici, qui peut justement équilibrer la balance, c'est-à-dire la force de proposition, la force de développer ce besoin, qui peut être constitué par ces canaux verticaux, mais qui en revanche ne seront pas forcément les sociétés qui, quand le besoin est exprimé, le client ira voir spontanément. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être monolithique, il s'agit beaucoup plus de trouver une situation qui assure un bon équilibre entre la demand generation et la réponse à un besoin. Un autre principe qui est un principe moteur et essentiel, qui est fondamental pour toutes les sociétés qui se lancent dans la distribution de software as a service, et nous en avons vu un certain nombre, qui sont pour certaines d'entre elles des clients, c'est qu'on voit bien que, en général, quand elles cherchent à développer un réseau de distribution, elles vont avoir tendance à reprendre les vieux mécanismes, c'est-à-dire à se dire quelles sont les sociétés qui aujourd'hui revendent ce type de solution, vers lesquelles on a intérêt à travailler pour pouvoir justement créer du business. Et en fait, cette réaction, ce mode de pensée, fait penser aussi à l'idée que l'on pourrait avoir de pousser une corde. C'est-à-dire, avec, si on pousse une corde, ça n'a pas beaucoup d'effet. En général, ce qui a de l'effet, c'est tirer une corde. Et pour tirer une corde, eh bien, il faut partir à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas le canal de distribution qui crée le business. C'est le business qui crée le canal de distribution. Et ce n'est pas simplement ici un effet de manche, mais beaucoup plus l'idée que quand on s'intéresse au développement d'un business, il faut d'abord penser effectivement à l'identification de ce business et d'identifier suffisamment ce business pour que de lui-même, il soit une indication sur le type de canal de distribution dont ce business a besoin. Et c'est ce que nous faisons, nous, chez Lehman Operations, quand nous travaillons pour nos clients. C'est la première chose, même si nous sommes mandatés pour rechercher un réseau de distribution, la première chose, c'est que nous allons regarder en profondeur à identifier très clairement quel est le business. Car de la compréhension de ce business, nous allons aussi comprendre quels sont ses facteurs d'influence, quelles sont les personnes, les organisations qui influencent sur la création d'un besoin à l'intérieur de ce business pour lequel le produit de nos clients peut satisfaire. Et donc, à partir de cela, c'est ce business-là qui va nous donner une indication sur le type de channel dont le client a besoin. On va pouvoir donc faire une recommandation de type de channel qui sera important pour le client, qui va nous permettre ensuite de recruter le channel, qui ensuite va nous permettre de le former et enfin de le suivre. Alors, naturellement, c'est un menu, donc tous nos clients ne prennent pas la totalité du menu, ils prennent parfois quelques plats, mais néanmoins, c'est toujours pour nous le même mécanisme. Il s'agit encore une fois de tirer sur la corde et non pas de pousser sur la corde. Et donc, il faut d'abord partir du business. Et rappelons-nous que c'est d'autant plus important pour nous que comme nous aimons être payés à la commission, si nous avons mal fait ce travail d'identification, c'est nous finalement qui risquons d'en payer les fruits un peu plus tard dans le process. Et donc du coup, si vous souhaitez mettre en place une offre, disons, de software as a solution, hardware as a solution, virtualization, etc., sur le marché, nous vous engageons naturellement à prendre contact avec nous pour qu'on puisse réfléchir ensemble à la meilleure façon de créer un réseau de distribution qui puisse établir cet équilibre entre demand generation et demand fulfillment, pardon, et qui va donc vous assurer des revenus stables sur une durée longue avec justement cet équilibre qui sera bien réparti. Si vous souhaitez aussi que l'on intervienne avec vous pour qu'on réfléchisse ensemble à votre business, nous le faisons gracieusement. Notre intérêt n'est pas purement philanthropique, naturellement, mais c'est aussi la possibilité de voir dans quelle mesure nous serions, nous, Lehman Operations, en mesure de vous aider à créer, à développer votre réseau de distribution en France, en Europe, voire au-delà, selon les besoins que vous en auriez. Voilà, nous restons à votre entière disposition. Vous voyez ici mon adresse email auquel vous pouvez naturellement m'écrire. Toute l'équipe de Lehman Operations se tient à votre entière disposition pour essayer de faire en sorte que votre business soit un business qui vous rapporte du succès pour longtemps. Merci beaucoup de votre attention.